Pourquoi que le corps biologique est programmé pour vieillir? Bon, on est dans un espace-temps. Donc, c'est normal, on est là pour vivre l'expérimental intime, mais ça fait partie des lois de la vie, dans le sens où on n'est pas pour être bloqué tout le temps dans le même corps. C'est un peu des lois de physique, dans le fond. Mais oui, l'être humain, peut-être qu'il a été programmé pour mourir puis vivre un temps. Mais pas ça, c'est lié justement à. C'est lié à l'intégration par rapport à c'est quoi une vie humaine, là. Mais il reste que normalement, un être humain devrait vivre autour de 120 ans. Mais parce que c'est ça, la programmation, dans le sens que il a été programmé pour vivre à peu près 120 ans. Parce que quand j'étais enfant, des centenaires, j'en connaissais plusieurs. Puis aujourd'hui, j'en connais pas. J'en connais pas de centenaires. Je veux dire, il y avait plus de personnes âgées quand j'étais petit. Pareil, il n'y en avait pas, il me semble, là. Je parle pas par rapport à un ratio au niveau statistique dans la population, mais la génération d'avant, la génération de mes grands-parents, puis la génération de mes grands-parents, ils vivaient plus vieux que leurs enfants. Mais ça Dans le... pourrait être discutable. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont nous écouter, vont dire, ah ben là, c'est des observations anecdotiques. Faut que tu t'appuies sur des grands Non, échantillons de non. population. Les personnes âgées en santé que j'ai connues, ils étaient nés de la fin du 19e siècle jusqu'aux années 20-30. Toutes les bébés boomers que je connais sont malades. Puis ils vivront pas aussi vieux que leurs parents, c'est impossible. Ma grand-mère, la mère de ma mère, elle a 96 ans en ce moment. C'est impossible que ma mère, ses soeurs et ses frères se rendent à cet âge-là. C'est impossible. Totalement impossible. Ben là, t'es un peu dur, là. Disons peut-être que Pas si... dur pantoute, c'est comme ça. D'ailleurs, ils sont tous en train de crever. La grand-mère est en train d'enterrer tous ses enfants un après l'autre.